Hallelujah. Alléluia. If anyone wants to be the bride of Christ, quiconque désire être l'épouse de Christ, then they must essentially and practically separate from the flesh. Alors ils doivent essentiellement et pratiquement se séparer de la chair. Alléluia. Alléluia. The flesh is the miniature, is the small version of the world that lives in us. La chair, c'est une miniature, une petite version du monde qui vit en nous. And to the greater magnitude, must separate from the general world. You see that, somebody? Et pour une plus grande ampleur, doit se séparer du monde en général. Vous voyez ça? So now he's saying, maintenant, il est en train de dire that this wedding of the Lamb of God, que ces noces de l'agneau de Dieu is essentially tied, sont essentiellement liées to one single practice called separation, à une simple pratique appelée séparation. Alléluia. Alléluia. Isn't that amazing, somebody? Est-ce que ça n'est pas étonnant? And this separation that the Lord is emphasizing here, et cette séparation auquel le Seigneur met de l'importance ici, he's saying, il dit, the church, that is you, that have stepped out, l'Église, qui est vous, est sortie, must separate from the world, doit se séparer du monde. So you begin to see very clearly, alors vous commencez à voir très clairement, that which the five wise virgins did, que ce que les cinq vierges sages ont fait, which the five foolish virgins did not, que les cinq vierges folles n'ont pas fait. So separation became a key issue here. Alors la séparation devient une issue clé ici. That means the five wise virgins were able to separate. Ça signifie que les cinq vierges sages ont été capables de se séparer. Alléluia. Alléluia. While the five foolish virgins were not able to separate. Alors que les cinq vierges folles n'ont pas été capables de se séparer. But what is it about the life and the identity of the five wise virgins? Alors, qu'est-ce qu'il en est à propos de la vie et de l'identité des cinq vierges sages? That allowed them to separate. Qui leur a permis de se séparer. And you see very clearly, et vous voyez très clairement, that the anointing of the Holy Spirit. Alléluia. C'est l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. They had oil. Elles avaient de l'huile. Now we are moving to the role of the oil. Maintenant, on se déplace dans le rôle de l'huile. Now we are moving to the transformation that they were supposed to go through. Maintenant, nous déplaçons dans la transformation qu'elles étaient supposées traverser. As they stepped out with their lamps into the darkness. Alors qu'elles sortaient avec leurs lampes dans les ténèbres. So there was a growth process. Alors il y avait un procédé de croissance. So the Lord is talking about the growth that the church needs to go through as she separates. Alors le Seigneur est en train de parler à propos de la croissance que l'Église a besoin de traverser comme elle se sépare. And he says, you cannot accomplish. Et il dit, vous ne pouvez pas accomplir. Separation, both spiritual separation and physical separation. Une séparation, toutes les deux, spirituelle séparation et séparation physique. Until you receive external force. Jusqu'à ce que vous receviez une force extérieure. External support. Un support extérieur. That is the anointing, the added anointing of the Holy Spirit. Qui est l'onction. L'onction additionnelle du Saint-Esprit. Let's move in the next level, somebody. Allons à un autre niveau. And you see very clearly here in Ephesians chapter 5, et vous voyez très clairement dans Ephésiens chapitre 5, verse 18, le verset 18 to 20. I'm still reading on the same book of Ephesians. Jusqu'à 20, je suis en train de lire dans la même épître aux Ephésiens. Verses 18 to 20 talks about the same things too. Versets 18 à 20, il parle aussi des mêmes choses. He says, il dit, do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Instead, be filled with the Spirit. Soyez, au contraire, remplis de l'Esprit. Speaking to one another in psalms, hymns, and spiritual songs. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Sing and make music in your heart unto the Lord. Chantons et célébrons de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Always giving thanks to God the Father for everything in the name of our Lord Jesus Christ. Continuellement, rendez grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus. So now he is bringing in another factor. Alors maintenant, il nous apporte un autre facteur. He says, separation is critical. Il dit, la séparation est importante, which is the main distinguishing factor, qui est le facteur distinct important, between the five foolish virgins and the five wise virgins. Entre les saintes vierges folles et les saintes vierges sages. And you see that he says, for you to be able to unite with him, to be flesh of his flesh. Alors, vous voyez qu'il dit, pour vous, d'être capable d'être uni avec lui, d'être chair de sa chair. Born of his bones, which means to wed him. Oh, de ses os, ce qui signifie l'épouser. You must have separated. Vous devez vous séparer. From your mother, from your father, from the world. De votre mère, de votre père, du monde. And now live to unite with him. Et maintenant, vivre en unité avec lui. Love him and live for him. L'aimer et vivre pour lui. You see that? Vous voyez ça? And he brings it to another level. Et il vous amène à un autre niveau. In the book of Ephesians, chapter 5, verse 18, on it says, dans le livre des Éphésiens, chapitre 5, verset 18, but you must be filled with the Spirit of the Lord. Hallelujah. Vous devez être rempli du Saint-Esprit du Seigneur. Alléluia. And now when you are filled with the Spirit of the Lord, et maintenant, comme vous êtes rempli du Saint-Esprit du Seigneur, then you are able to operate in the Word of the Lord. Et vous êtes capable de fonctionner en la parole du Seigneur. Speaking in psalms, parlant en psaume, in hymns, en hymne, and praising the Lord, which means living the Word. Et louant le Seigneur, ce qui signifie vivant la parole. Alléluia. Alléluia. And that tells you very clearly, et ça vous dit très clairement, that the separation, que la séparation, that the five wise virgins attained, que les saintes vierges sages ont atteint, was through the empowering power, était à travers l'habilitant pouvoir, and authority of the added anointing of the Holy Spirit, et l'autorité de l'onction additionnelle du Saint-Esprit, that allowed them to separate even farther, leur a permis de se séparer et même plus loin, as they were growing and maturing in the things of the Spirit, comme elles étaient en train de croître et de devenir matures à propos des choses de l'Esprit, even in the likeness of Christ, même à la ressemblance de Christ, the only thing that would have allowed them even to wed Christ. La seule chose qui va leur permettre même d'épouser Christ, to be in the likeness of Christ, pour être à la ressemblance de Christ. You see that? Vous voyez ça? And that separation now he brings it to another level. Et cette séparation maintenant vous amène à un autre niveau. And he says, was only achieved by the Holy Spirit. Et il dit, était seulement achevé par le Saint-Esprit. But then in the book of Ephesians 5, verses 18 on. Mais alors, dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, verset 18 et suivant, he is telling you that there must be a willingness, il vous dit que ça doit être une volonté of you as the church, de vous en tant qu'Église, to avail yourself, de vous prévaloir vous-même as a vessel, en tant que récipient, to be infilled and filled and filled with the Holy Spirit, d'être rempli et encore rempli et rempli du Saint-Esprit, and when you are filled and filled and filled as an available vessel, et quand vous êtes rempli, rempli et rempli comme récipient disponible, then now you are not filled with the drunkenness of the wine, the evil. Alors maintenant vous n'êtes pas rempli de l'ivresse du vin, du mal. But with the Spirit of the Lord, hallelujah. Mais de l'Esprit du Seigneur, alléluia. And then now you are able to walk spiritually. Et maintenant vous êtes capable de marcher spirituellement. To do the things of the word of the Lord, the things of the Lord. Pour faire les choses de la parole de Dieu, les choses du Seigneur. And when you are filled and filled and infilled more and more with the Holy Spirit as you grow. Et quand vous êtes rempli et rempli et rempli toujours plus du Saint-Esprit comme vous croissez, then you are able to emit the right light. Alors vous êtes capable d'émettre la vraie lumière. That is the light now that will be able to yield fruit. C'est la lumière maintenant qui va être capable de porter du fruit. The fruit of the Spirit. Le fruit de l'Esprit. Do you understand this, somebody? Vous comprenez ça? That is now the true quality of the light of Christ. C'est maintenant la véritable qualité de la lumière de Christ. Of the life of Christ. De la vie de Christ. That is resident, that is present. Qui réside, qui est présente. In the salvation of our Lord. Dans le salut de notre Seigneur. That came through Christ Jesus. Qui vient à travers Jésus-Christ. And that's the only way. Et c'est le seul chemin. That the dying world. Que le monde qui périt. The lost souls. Les âmes perdues. That the evil world, the world that is in darkness. Que le monde méchant, le monde qui est dans les ténèbres. Can be able to see you. Peut être capable de vous voir. And see the image of Christ. Et voir l'image de Christ. Because they see the fruit of the Spirit. Parce qu'ils voient le fruit de l'Esprit. Because you have been infilled. Parce que vous avez été rempli. Because you have made yourself available. Parce que vous vous êtes rendu disponible. And the Spirit has filled you. Et le Saint-Esprit vous a rempli. Yielding the fruit of the Spirit. Produisant le fruit de l'Esprit. Emitting the light that comes from Christ. Émettant la lumière qui vient de Christ. And then they can receive Christ. Et ensuite, ils peuvent recevoir Christ. In the end time church. Dans l'église de la fin des temps. Do you understand now what it is that the five foolish virgins did not do? Vous comprenez maintenant ce que les vierges folles n'ont pas fait? Which the five wise virgins did. Que les saints vierges sages ont fait. And I told you from the beginning of this segment, mais je vous ai dit depuis le début de ce segment that if you will be able to understand, que si vous voulez être capable de comprendre what it is that the five foolish virgins did, ce que c'est, ce que les cinq vierges folles ont fait, you can avoid it, vous pouvez l'éviter and then be able to do what the wise virgins did. Et ensuite, être capable de faire ce que les vierges sages ont fait. And enter the rapture. Et entrer dans l'enlèvement. So it boils down to the fact that the five wise virgins. Alors ça se résume dans le fait que les cinq vierges sages were able to avail themselves étaient capables de se rendre disponibles as vessels en tant que récipients that were infilled by the Holy Spirit, qui était rempli par le Saint-Esprit. No wonder, he says, they carried the jar of oil. Pas étonnant, il dit, qu'elles ont pris les jars d'huile. While the five foolish virgins, quand les cinq vierges folles, much as they separated out, pour autant qu'elles se sont sorties, much as they denied themselves the things of the world, pour autant qu'elles ont renoncé aux choses du monde, by separating out, en se séparant, they denied themselves the fellowshiping in the general churches, elles ont renoncé elles-mêmes à la communion avec les églises générales, the things, the pleasures of the earth, les choses, les plaisirs de la terre, they still failed to enter. Elles continuent de manquer l'enlèvement. Because the Lord said, they did not avail themselves for the infilling of the Holy Spirit. Parce que le Seigneur a dit, elles se sont pas rendues disponibles pour être remplies du Saint-Esprit. Is that an amazing revelation unto the church? Est-ce que ça n'est pas une importante révélation à l'Église? Now let me bring you to another level. Alors, laissez-moi vous amener à un autre niveau. So you see very well. Alors, vous voyez très bien that the oil is the Holy Spirit. Que l'huile, le Saint-Esprit. And then you see that when you are infilled with the Holy Spirit. Et ensuite, vous voyez ça que quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, you definitely lose the love for the things of the world. Vous perdez définitivement l'amour pour les choses de ce monde. That is the separation that is emphasizing. Ça, c'est la séparation auquel il met de l'importance. That can come through the one and only authority. Qui peut venir uniquement à travers la une et seule autorité. That is the Holy Spirit. Qui est le Saint-Esprit. Taking authority over you as the church. Prenant une autorité au-dessus de vous comme Église. The redefined, remnant, perfect bride of Christ. Hallelujah. Pour redéfinir le restant de la parfaite épouse de Christ. Alléluia. The Holy Spirit, tomato vida in Spanish. Le Saint-Esprit, tomato vida en espagnol. Take over, consume your life. S'empare, consume votre vie. And then cause you to separate. Et ensuite, vous donne un motif de vous séparer. Why? Pourquoi? Because part of the process of separation. Parce que une part du procédé de la séparation. Is very bitter. Est très amer. It's a very bitter process. C'est un procédé très amer. I can see very clearly. Je peux voir très clairement. When Christ Jesus was separating from the world. Quand Jésus-Christ était en train de se séparer du monde. On the cross. Sur la croix. The time at which he finally asked for that drink of water he was thirsty on the cross. Le temps où il a finalement demandé pour cette boisson de l'eau parce qu'il avait soif sur la croix. It was one of the most bitter times. C'était un des moments les plus amers. Bitter moments of his life. Un moment amer de sa vie. And then his spirit cut. Et ensuite son esprit s'est coupé. And went down and redeemed the church. Il est descendu et a racheté l'église. You see that? Vous voyez ça? On it resurrect. Seulement pour ressusciter. So separation is a very bitter process. Alors la séparation est un procédé très amer. Therefore you need the complete and overwhelming influence of the Holy Spirit. Donc vous avez besoin de la complète et écrasante influence du Saint-Esprit. Which influence cannot come from the basic initial anointing? Laquelle influence ne peut pas venir de la basique initiale onction that everybody's endowed with? Dont chacun est doté. That authority, cette autorité that comes from the influence of the Holy Spirit, qui vient de l'influence du Saint-Esprit, comes out of an added anointing, ressort d'une onction additionnelle of the Holy Spirit, du Saint-Esprit. As you walk in the dark with that kind of light, quand vous marchez dans les ténèbres avec cette sorte de lumière, towards the rapture of the church, parmi l'enlèvement de l'Église. Let's bring it to another level, precious people. Laissez-moi vous amener à un autre niveau, précieux peuple. So we see very clearly here. Alors, nous voyons très clairement ici. That only the wise virgins. Que seules les vierges sages. Were able to experience the separation. Étaient capables d'expérimenter la séparation. Which comes out of complete love of Christ. Qui ressort d'un amour complet pour Christ. Which means Christ becomes a premium into their lives. Ce qui signifie que Christ devient le premier dans leur vie. Alléluia. Alléluia. And number two. Et numéro deux. Which means they rearrange their value systems. Ce qui signifie qu'ils réarrangent leur système de valeurs. They begin to give a premium to the love of Christ. Ils commencent de mettre en premier leur amour pour Christ. And they devalue all the things of the world. Et ils dévaluent toutes les choses de ce monde. Alléluia. Alléluia. So they change their value systems. Alors, ils changent de système de valeurs. While the foolish virgins, quand les vierges folles, did not change their value systems, n'ont pas changé leur système de valeurs. They claim to love Christ. Elles ont revendiqué d'aimer Christ. While they still continue to be entangled in the things of the world. Tout en continuant d'être empêtré dans les choses de ce monde. Much as they separated, by the way, they stepped out of the general church. Autant qu'elles se sont séparées. À propos, elles sont sorties de l'église générale. They were now aware Christ is coming. Elles sont maintenant au courant que Christ revient. They were preparing. Elles se sont préparées. Denying themselves, beating their flesh here and there. Renonçant à elles-mêmes, frappant leur chair ici ou là. But they continued in the sin of the flesh. Mais elles continuent dans le péché de la chair. Alléluia. Alléluia. Now, let us bring this separation to the next level. Maintenant, apportons cette séparation au niveau suivant. To the part when he says, come out of them. De la partie où il dit, sortons du milieu d'eux. The book of 2 Corinthians, somebody. L'épître aux 2 Corinthiens. Chapter 6. Alléluia. Chapitre 6. Alléluia. Verses 14 to 18. Verset 14 à 18 still talks about that same separation, parle encore de cette même séparation which the five wise virgins were able to accomplish, que les cinq vierges sages étaient capables d'accomplir, and yet the foolish virgins could not. Et maintenant, les vierges folles ne pouvaient pas. 2 Corinthians, somebody. 2 Corinthiens. I'm reading chapter 6, verses 14. Je lis le chapitre 6, verset 14. To verse 18, it says, jusqu'au verset 18, il dit, do not be yoked together with unbelievers. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. For what do righteousness and wickedness have in common? Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Or what fellowship can light have with darkness? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Alléluia. Alléluia. What harmony is there between Christ and Belial? Quel accord y a-t-il entre Christ et Belial? What does a believer have in common with an unbeliever? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? What agreement is there between the temple of God and idols? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? For we are the temple of the living God. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. And as he said, I will live with them and walk among them. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. And I'll be their God and they'll be my people. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Verse 17 of 2 Corinthians chapter 6, it says, le verset 17 de 2 Corinthiens chapitre 6, il dit, therefore, come out of them. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux. And be separate, says the Lord. Et séparez-vous, dit le Seigneur. Touch no unclean thing, and I'll receive you. I'll be a father unto you, and you will be my sons and daughters, says the Lord Almighty. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. So do you see the importance of the separation the Lord was talking about here? Alors vous voyez l'importance de la séparation du monde dont le Seigneur est en train de parler ici. I know this has been used severally by the church. Je sais que cela a été utilisé sévèrement par l'Église. Towards physical marriage in the world. Parmi les mariages physiques dans le monde. When people want to get married, they read this scripture here. Quand les gens vont se marier, ils lisent cette écriture ici. Just like Paul mentioned it very clearly. Juste comme Paul le mentionnait très clairement. In Ephesians chapter 5, he said, I am not talking about the marriage in the flesh. Dans Ephésiens chapitre 5, il a dit, je ne suis pas en train de parler du mariage dans la chair. The marriage in the physical. Le mariage dans le physique. I am talking about the spiritual marriage. Je suis en train de parler du mariage spirituel. The marriage between Christ and the perfect bride of Christ. You see that? Le mariage entre Christ et la parfaite épouse de Christ. Vous voyez ça? Same thing applies here. La même chose est appliquée ici. He says, il dit, separate and come out of them. Séparez-vous, sortez du milieu d'eux. Come out of them and be separate. Sortez du milieu d'eux et soyez séparés. This is climaxing and re-emphasizing the importance of the role of the Holy Spirit. C'est un point ultime qui met l'accent sur l'importance du rôle du Saint-Esprit. In separating out the remnant bride of Christ, en séparant l'épouse restante de Christ. A process that was essentially lacking among the five foolish virgins. Un processus qui manquait essentiellement parmi les saintes vierges folles. Again, this is re-emphasizing. Encore, c'est mettre l'accent and re-articulating et réarticuler the importance of the authority of the Holy Spirit. L'importance de l'autorité du Saint-Esprit. In separating out the remnant bride of Christ from the world. En séparant l'Église restante de Christ du monde. A process that essentially was lacking among the five foolish virgins. Un processus qui essentiellement manquait parmi les saintes vierges folles. And yet a process that was very outstanding, a landmark. Et maintenant, le processus qui était très hors norme, un repère. The process that characterized the identity of the five wise virgins. Le processus qui caractérisait le caractère des saints vierges sages. One of the main things is that they separated out for the sake of Christ. Une chose importante, elles se sont séparées pour l'amour de Christ. Alléluia. Alléluia. And this separation could only be accomplished by the infilling of the Holy Spirit. Et cette séparation peut être accomplie seulement par l'effusion du Saint-Esprit. Does somebody understand me here? Est-ce que quelqu'un me comprend ici? And so you begin to understand. Et alors vous commencez à comprendre that when the Lord spoke this parable, que quand le Seigneur parle, dit cette parabole of the five foolish virgins, des cinq vierges folles and the five wise virgins, et les cinq vierges sages, he touched the very dead center of the church. Il a touché le véritable point mort de l'Église. He touched the dead center of the throne room of God. Il a touché le point mort de la chambre du trône de Dieu. He touched the heart of the wedding of the Lamb of God. Il a touché le cœur du mariage de l'agneau de Dieu. Alléluia. Alléluia. And let's move on, somebody. Allons plus loin. To another level. À un autre niveau. On this separation, again, I've mentioned clearly that this separation. Dans cette séparation, encore, je mentionne très clairement que cette séparation is from the world, est du monde. As is emphasized in 2 Corinthians chapter 6, 14 to 18. Comme c'est souligné dans 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 18. Let's bring it to another level. Laissez-moi vous amener à un autre niveau. Romans chapter 12, verse 2. Romains chapitre 12, verset 2. Alléluia. Alléluia. Verse 2 still talks about the importance of this separation here. Le verset 2 parle encore de l'importance de la séparation. He says, do not conform any longer to the patterns of this world. Ne vous conformez pas plus longtemps au modèle de ce monde. But be transformed by the renewing of your mind. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good and pleasing and perfect will. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. You see what I'm talking about here? Vous voyez de quoi je suis en train de parler ici? He's saying, during the separation, il est en train de dire, pendant la séparation, you cannot even continue being conformed to the things of the world anymore. Vous ne pouvez pas continuer à être conforme aux choses de ce monde. Because that is what separation is all about. Ça c'est ce que la séparation est à propos de tout ça. To move out of the conformations of the world. De sortir de la conformation à ce monde. A very important character. Un caractère très important. A very important practice. Une pratique très importante. That was lacking among the five foolish virgins. Qui manquait parmi les cinq vierges folles. They mixed their walk. Elles mélangeaient leur marche. They mixed their waiting with the things of the world. Elles mélangeaient leur attente avec les choses de ce monde. And yet here he says, you cannot even be conformed any longer. Et maintenant ici il dit, vous ne pouvez pas vous conformer encore plus longtemps to the things of the world. Aux choses de ce monde. But let me bring it to another level. Look at what he says. Mais laissez-moi vous emmener dans un autre niveau. Regardez ce qu'il dit. He says, In other words, you should be infilled by the Holy Spirit. Il dit, en d'autres mots, vous devez être rempli du Saint-Esprit. And be transformed by constantly. Et être transformé en constamment. Renewing your mind. Renouvelant votre pensée. Which means, as they stepped out. Ce qui signifie, comme elle reste dehors. There was a spiritual growth process. Il y avait un processus de croissance spirituelle. Alléluia. Alléluia.